souvent solo simplement parce que l'humain je peux plus le supporter. J'ai des problèmes mais je marche tranquille, j'ai de quoi dire bye bye. Tous les jours c'est la même merde ici à des kilomètres. Le respect que le pécule, moi je respecte ceux qui parlent pas. Si on fait bande à part, c'est quatre pattes à rader. Pourquoi faire la rue si ta rue ne paye pas? Et le type veut plus rater, mais il veut se mettre en indé. Il va aller chercher ça, c'est là aux Pays-Bas. On a que du temps à perdre, nous on a grandi dans les blêmes, bro. CJD, j'ai réduit à tout au pénaf. Y'a peu de vrai, la rue a changé, maintenant c'est rempli de Wayne, bro. C'est rempli de Wayne, bro. J'suis toujours dans les comptes, et ouais, mon con, qu'on est cool, gramme ou gros, c'est pas pour maintenant Alicante. Le thème N des affaires, on les néco. Tant que t'es pas une donneuse, on est réglo. J'prépare les recherches pour demain de l'admi. Quel Marcel au télève veut mettre les menottes. Mais j'viens de la rue, donc t'es mes CM. Une vie de couple pour nous, c'est miné. Y'a le cœur et la raison. Mais mon cœur est pour le réseau. Elle sait pas dehors, j'suis plein de mes chèques. En train de vivre avec nous, de s'éminer. J'ai traîné dans les bars tabac minos, j'avais les gros. Les coronets n'ont pas changé, j'suis toujours en vie de gros. J'suis dans les complots, en tête de compo. T'as rien compris, mon con, si tu nous compares à eux. J'ai repenté les coins riches, bredou, j'revenais pas même à pied. De la pharmacie au tourné table, on a tapé, j'suis à l'étape hôtel. Début de semaine, j'évite les perquises. Parce que Porcinet veut me renvoyer quand il est. Tu connais, j't'édite la rue, mais j'suis qu'un homme. Le bon veut tout le six, puis j'l'ai retourné comme Alain. À peine libérable, ça reprend les commandes. Faut bien rentrer ces années de galère. Donc on s'arrête pas et pour le moment j'suis toujours dans les comptes. Et ouais mon con, qu'on est cool, gramme ou gros, c'est pas pour maintenant Alicante. Le thème N des affaires, on les néco. Tant que t'es pas une donneuse, on est réglo. J'prépare les recherches pour demain de l'admi. Quel Marcel au télé veut mettre les menottes. Mais j'viens de la rue donc t'es mes CMI. Une vie de couple pour nous c'est miné. Y'a le cœur et la raison. Mais mon cœur est pour le réseau. Elle sait pas dehors, j'suis plein de mes chèques. En train de vivre avec nous de s'éminer. Non, nous de s'éminer. En train de vivre avec nous de s'éminer. Non, nous de s'éminer.